Mardi 25 janvier 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et avec un bon groupe d'intervenants ce soir, spécifions-le, parce que c'est une émission spéciale où on se fera un plaisir en votre compagnie de porter un regard sur l'année 2012 en bande dessinée, des coups de cœur, des regards, des perspectives, des réflexions. Et pour en discuter avec nous, mais donc trois invités, tout d'abord un collaborateur régulier ici à l'émission qui est également libraire chez Pantoute. Marco Duchesne, bonjour. Salut. Également, il est journaliste culturel, chroniqueur. Il a fait des chroniques BD ici à CKRL le matin, entre autres choses. Pierre Blais, bonjour. Salut Raymond. Et en terminant, il est libraire du côté de l'imaginaire. Patrick Marlot, bonjour. Bonjour. Moi, je suis venu de loin, là, de Sainte-Foy. De la pointe. Fais-tu aussi froid qu'ici? Ça a l'air, oui, oui. Ah, OK. Même température. Même température et parfois une température, là je vais faire un lien particulièrement douteux vers le premier titre, tiens, parce que on s'est lancé tout d'abord par courriel, en fait, quels sont nos titres de l'année, quels éléments, en fait, on a été suffisamment marqués en tant que lecteur. Il faut dire aussi que c'est un palmarès justement de coups de cœur, spécifions-le tout de suite, c'est pas dans absolu, parce que même si à quatre on en a lu pas mal, je pense pas qu'on a lu tout ce qui s'est publié au Québec, malheureusement. Ben, ouais. Au Québec presque, hein? Il m'en manque quelques titres, ouais. En termes de publication québécoise. Oui, parce que si on parle de bande dessinée francophone dans le monde présentement, corrigez-moi messieurs, on parle d'à peu près 4000 titres annuellement qui paraissent, donc de la Suisse, de la France, des traductions, de la Belgique et au Québec, évidemment. Écoute, non, on n'arrive pas à suivre tout ça. Là. Je pense qu'on avait sorti quelques chiffres et l'Association des critiques de bande dessinée française avait noté, je pense que c'était 5100 titres pour 2012 et c'est en hausse année après année, mais eux incluent aussi les parutions numériques parce qu'il y a un créneau aussi qui se développe tranquillement. Mais bref, faisons le pont tout de suite vers le premier titre, si vous le voulez bien, parce que de ces envois courriels et de ces discussions virtuelles, il y a presque un consensus qui en est ressorti sur un titre. C'est la version française, en fait, de Paying for It, 23 prostituées, du Canadien Chester Brown. Ça, c'est chez Cornelius. Qu'est-ce que vous a amené peut-être à justement l'intégrer, notamment Pierre, Patrick? Ben, si je peux me lancer, chose amusante, dans le cas de Chester Brown, ben, premièrement, moi, c'est un auteur de bande dessinée que j'aime déjà à l'avance. J'avais déjà aimé beaucoup Je ne t'ai jamais aimé. Il avait fait aussi Louis Riel, donc une biographie de ce personnage célèbre. Et dans le cas de 23 prostituées, ben, en fait, dans le cas de Chester Brown, précisons, il est né à Châteauguay, là. C'est un Québécois. Mm-hmm. On dit que c'est un Canadien, mais parce qu'il vit à Toronto depuis plusieurs années, mais c'est avant tout un Québécois, de langue anglaise, certes, et même son frère habite Québec. OK. Pour la petite histoire. Chester Brown, avec 23 prostituées, nous raconte finalement, joue dans l'autofiction, parce qu'il le dit d'emblée, il raconte sa vie durant quelques années au moment où, à la suite d'une peine d'amour, et il n'a plus de sexe dans sa vie, il ne veut pas s'engager à nouveau d'une façon sentimentale, et il décide de rencontrer des prostituées. Alors quoi, il a la fin trentaine, je crois, donc il est pas jeune. Mm-hmm. C'est la première fois qu'il fera appel à des prostituées à Toronto, et il va en rencontrer 23 sur une période de quoi, de mémoire, 5 ou 6 ans, ouais, quelque chose comme ça. Il nous raconte ses aventures, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un dossier de quoi? Une vingtaine de pages, certains, à la fin de la bande dessinée, où là, il nous parle, pas en BD, mais réellement dans un dossier, il s'entretient avec des spécialistes, il a fait des recherches sur la prostitution, c'est-à-dire pourquoi les filles font ça, qu'est-ce qui est dangereux avec la prostitution, tous les enjeux finalement qui portent là-dessus, les pour et les contre. Donc, ça apporte également une réflexion à un sujet qui est délicat en partant, parce qu'il le traite pas seulement avec humour, mais avec tendresse. Mais comme je le disais, c'est un sujet délicat et à mon sens, pour moi, c'est la bande dessinée de l'année. Moi, je suis bien d'accord. C'est un sujet très très pointu. C'est ce qui m'a amené, en fait, à vouloir le lire, effectivement. Le traitement aussi qui en fait, il raconte ça avec un détachement absolu, une froideur. Donc, c'est assez déstabilisant aussi. Une froideur, mais une tendresse à la fois. Je trouve qu'il a... comment dire, c'est un personnage bizarre, hein, que Chester Brown, faut le dire. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'émotions, mais en même temps, il regarde jamais les autres de haut. Donc, chacune des prostituées qu'il rencontre, il y a jamais de mépris. Non, on est très loin de ça. Dans le sens où il faut pas parler de froideur, où on pourrait penser que du mépris. Une distance, une distance émotive qu'il est capable où il est capable de vraiment rationaliser aussi son choix. Et ça devient un peu d'ailleurs un centre du débat qu'il y a avec ses amis qui sont au courant qu'il a fait ce choix-là et qui disent, donc t'as pas envie d'avoir de l'amour, de l'affection, etc. Il dit, non, moi, il y a le sexe et il y a l'amour et c'est deux choses. J'ai besoin de sexe, j'ai pas envie d'être en amour. Mais non, c'est vrai que c'est très fascinant d'avoir l'envers de la médaille, en fait, d'avoir quelqu'un qui a recours à ces services-là et qui raconte ça en BD. Marco, de ton côté? En fait, moi, il apparaît pas dans mes choix. T'as eu l'occasion de la lire. Oui. Et je suis peut-être le public qui... à prime abord, Chester Brown m'ennuie à mourir. Moi, les autres trucs qu'il a fait, c'était vraiment, ça m'a jamais impressionné. Son dessin, je le trouve personnellement ordinaire. Mais j'ai lu 23 prostituées d'un bout à l'autre. Il a au-delà du personnage froid, au-delà du... Le sujet m'intéressait pas. Mais cette façon de raconter, case par case, toute simple, les sauts dans le temps, très lisibles, avec une compréhension facile, je me suis pris à la lire d'un bout à l'autre et ainsi pouvoir me vanter dans les grandes réceptions, dire j'ai lu un Chester Brown d'un couvert à l'autre. Mais vraiment, je ne l'ai pas mis dans mes choix et je ne pense pas que ce soit la BD de l'année, mais je pense que c'est un très très bon livre. Ah oui, écoute, il y a cette façon-là de raconter qui est vraiment là. C'est comme mettre un pied dans l'engrenage. Le reste, ça suit tout seul. Et corrigez-moi, c'est publié chez Cornelius, c'est ça? Oui, il faut le dire, lorsque vous voyez la bande dessinée en librairie, on a l'impression que c'est une bande dessinée à 40$, ce qui n'est pas le cas. Je pense que c'est autour de 25-27$, quelque chose comme ça. Parce que la version anglaise est encore plus abordable. Oui, ben ça, effectivement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote et pour donner à César ce que César mérite, c'est une bande dessinée qui figurait parmi les coups de cœur de l'émission l'année dernière, mais la version anglaise est sortie c'est Sam Murdoch de chez Première Issue qui nous avait sorti ça. Sélections anglophones, donc comme quoi je pense les deux versions ont été fort appréciées et Chester Brown qui sera en Angoulême d'ailleurs pour aller présenter tout ça. Alors bien curieux de voir comment ça va ressortir, mais donc ce qu'on peut en dire, en fait pour moi je rejoindrais Pierre en disant que c'est une de mes meilleures BD cette année, vraiment un coup de cœur absolu, et pour les autres qui se rejoignent peut-être un peu moins, mais comme disait Marco, ça reste une excellente bande dessinée. Peut-être j'ai envie qu'on change de registre, parce qu'on parle de prostituées, mais j'ai envie qu'on parle d'enfance, et je fais le lien vers moi-même, en fait l'enfance d'Alan, la suite indirecte, si on peut dire, de la guerre d'Alan en 3 tomes, Emmanuel Guibert chez l'association qui revient donc vers ce personnage-là, Alan Ingram Cope, et qui nous offre les souvenirs d'enfance, mais des souvenirs disséminés ça et là, en fait, avec une suite, une progression quand même chronologique, mais un album qui nous amène donc au travers d'événements, parfois certains très importants, parfois certains de moindre importance, purement anecdotique, d'une enfance dans les années 20-30 en Californie. C'était dans mes choix, c'était dans les choix aussi de Patrick Marleau. Oui, effectivement. Moi, c'est un auteur que j'aime bien. J'aime bien sa façon de raconter aussi, Emmanuel Guibert. Et moi, c'est un sucker pour l'Amérique de ces dates-là. J'adore ça. L'Amérique un peu mythique des années 20-30. De plonger là-dedans. Et je dois avouer que j'ai un profond attrait aussi pour la Californie. Fait que, garde, j'étais comblé de voir ça. Écoute... En fait, je sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais au niveau du dessin, on est dans les souvenirs, et évidemment, nos souvenirs d'enfance, à nous, il y a des images qui sont extrêmement vivaces. Il y en a d'autres que je me rappelle clairement grâce à des photographies. Et il y en a pour lesquels je me rappelle simplement d'un ou deux détails, d'une position de visage de ma mère, de mon père, etc. Et dans le livre, il y a donc des dessins qui sont extrêmement détaillés. Il y a d'autres cases qui sont pratiquement vides, outre un détail. Donc, je trouve que ça devient une belle immersion aussi, justement, à l'intérieur de souvenirs comme ça. Je trouvais ça intéressant, côté choix graphique, de jouer et de pas se sentir obligé non plus d'avoir que des cases touffues, mais inversement, d'avoir pas non plus quelque chose de très aéré, blanc et nuageux, presque. Donc, un bel équilibre là-dedans aussi, côté dessin. Là. Oui, tout à fait. Que dire de plus? Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, Pierre, Marco. Non, je ne l'ai pas lu, mais je ne suis pas un fan de Guibert. Donc. Ah bon? Marco? Non, tu n'avais pas aimé la guerre d'Aline? Moi, ça ne m'a pas fait cet effet-là. Le premier tome, la guerre d'Alan, déjà, ça avait tout pris pour que je le finisse. Et bon, moi, ça m'a, comme toi, moi. Non. Ça m'a pas... et cette enfance-là, comme... Ça a pas amené de dos au moulin qui fait que... Mais par contre, cette façon de raconter-là avec les images, effectivement, mais Guibert a toujours ce côté-là un peu... Ouais, qu'on retrouve avec le photographe aussi. Ouais, c'est ouais. Ça. De jouer avec... c'est ça, les souvenirs, les images, le détail global de tout ça. Et peut-être, en fait, j'allais piger dans les coups de cœur de Pierre et de Marco avant Allons-y. D'aller en musique. Marco, je sais pas si je te lance, en fait, parce que, à la limite, on pourrait peut-être faire un petit parallèle entre 23 prostituées et Mars aller-retour en termes de type de personnage. Ça, c'est de Pierre Wazem. Ah oui, OK. Moi, je suis... j'avais beaucoup aimé... L'Arsenet, le combat ordinaire. L'espèce de réflexion d'un type qui fait une dépression et qui veut s'en sortir. Et le personnage de Marco, le photographe, dans le combat ordinaire, c'est quelqu'un qui tranquillement veut sortir de cette situation-là, dépression, tout ça, et fait face au changement de sa vie tranquillement avec... et d'où les combats ordinaires, d'où cette guerre-là contre vouloir franchir le pas de la nouveauté et tout. Et là, Futuropolis fait paraître de Pierre Wazem, est un dessinateur que j'aime beaucoup, mais qui fait pas très peu de choses. Il y a beaucoup d'années sans qu'il sorte quelque chose de lui. Et là, Futuropolis sort Mars aller-retour. Et c'est un peu le même principe, mais cette fois-ci, Pierre Wazem, le Pierre Wazem de l'album, c'est quelqu'un qui est imbuvable, prétentieux, fait chier tout le monde à quêter de l'argent, à pas vouloir travailler sur certains dessins, parce que le Pierre de l'album est aussi dessinateur. Sauf que c'est une caricature de lui-même, je présume. Là. J'imagine, mais là, ça n'a pas d'importance. Quand on lit, ça n'a pas d'importance. Il s'appelle Pierre, même Pierre Wazem, c'est même ça. Mm-hmm. Mais ça n'a pas d'importance, comme c'est pas d'important que dans le combat ordinaire, Marco, le photographe, physiquement, dans le dessin, ressemble à Manu Larsenet, ou Retour à la Terre, c'est Larsenet. Ça n'a pas d'importance. C'est pas de fiction pure. Ça devient des personnages. Alors, ce Pierre Wazem-là est au bout du rouleau. Son ex-femme... et sur le bord de plus vouloir qu'il voit ses enfants et tout. Et à un moment donné, il va une dernière fois à la maison avec des enfants et trouve une cabane un soir au bout du rouleau, là, vraiment. Là, et à travers les planches du plancher, le plancher, il manque quelques planches, il voit la planète Mars. Et il va se rendre sur Mars. Et à partir de là, ce voyage-là, évidemment, est un peu allégorie. Est un peu fantasmé, est un peu... Mais c'est la rencontre avec lui-même, son père. Et là, ça devient une espèce de truc... Et avec le dessin, évidemment, de Pierre Wazem, un peu à la Manu Larsenet, toute cette école-là, Blin et tout. Là. Ça a été pour moi... j'aime beaucoup ce genre-là. Je mentionne toujours Larsenet, le combat ordinaire. Parce qu'il y a comme établi une espèce de règle, les espèces de bases de l'autofiction, tu parlais d'autofiction, c'est ça, de ce genre-là. Quoi que c'est caricaturé dans le cas de l'Arsenal. Oui, mais de réflexion sur... sur soi-même. Oui, de voyage intérieur, c'est ça, de voyage... Alors, il va revenir, évidemment, il va aller sur Mars et en revenir et changer, parce que j'imagine que quand on va sur Mars, on ne peut pas être le même au retour. Enfin, on le vit avec Monsieur Metropolis, je pense, aussi, qui est devenu triste en allant sur Mars, lui. Non, Watchmen, mais bref. Ah oui, ok. Manhattan, Dr. Manhattan. Dr. Manhattan. Ouais, alors. Metropolis. Et Patrick, je pense que tu as lu toi aussi, ouais. Ouais, effectivement. Et ce qui m'a, moi avant tout, c'est la couverture qui est vraiment superbe, vraiment attiré. Quand je l'ai vu sur les choix de Marco, je vais le lire, je vais prendre la peine. Mais ça m'a vraiment déstabilisé parce que le personnage est vraiment antipathique. T'as envie de le tuer, là, au début, vraiment, là. Quand tu discutes avec son... ils ont un studio, lui et un ami, un espèce de barbu hyper cool. Il a tout vu. Puis il donne des conseils. Mais quand on voit les conversations qu'ils ont ensemble, tu dis, mais je l'aurais viré coup de pied dans le cul, là. C'est sûr, tu sais. Et avec sa femme, qui a une maîtresse complètement assumée. C'est un passé de qui prend de la drogue, tout ça. Donc, c'est pas une image qu'on sait vraiment de l'autofiction d'un auteur qui se glorifie. Puis, fait que c'est assez déstabilisant, mais un livre ovni intéressant à lire, honnêtement. En fait, là, c'est le voyage. C'est toute la première partie où on le voit, il est imbuvable. Mm-hmm. Là, il est rendu à... Et quand il part pour Mars, ça devient autre chose, mais on comprend au fur et à mesure que le voyage est intérieur. Et c'est en un tome. Oui. Oui. Et Pierre, avant de partir en musique, clin d'œil aussi à un de tes choix. Tiens, Marie Vaudeville, tome 1. Oui, je sais que ça fait jamais l'unanimité pour ce qui est de Martin Veyron. J'ai déjà discuté de ses œuvres avec des confrères. Dans ce cas-ci, c'est le premier tome. Le deuxième, je pense, vient de sortir. Je ne l'ai pas lu. Mais Marie Vaudeville, ça le dit dans le titre. C'est-à-dire que il mélange le vaudeville avec Marivaux, donc le style de l'auteur Marivaux. Sauf que vous vous retrouvez en présence d'une bande dessinée où chaque page nous parle de gens qui se rencontrent, discutent d'amour, c'est de la crouse, c'est des réflexions, toujours humoristiques, un peu de tendresse, un peu de ridicule, un peu de vaudeville. Et la grande force de cette bande dessinée-là, en terminant, c'est que il part d'un point et il réussit en je sais plus combien de pages, 48, mais à avoir une ligne continue en différents personnages pour se retrouver à la fin. Moi, je trouve que scénaristiquement parlant, c'est un cas de bravoure ici. Il a réussi quelque chose de très fort. Il s'est amusé. Moi, j'aime beaucoup l'humour de Martin Veyron. Si vous aimez les petites anecdotes amoureuses, Marie Vaudeville, tome 1 et le deuxième, je pense, qui vient de sortir en librairie. De joie, de jour et de nuit. En fait, le tome 1 de jour, le tome 2 de nuit, si je me trompe. Merci. Voilà. Mais Pierre Blais, Marco Duchesne, Patrick Marlowe, vous restez avec nous. On s'en va en musique avec Thomas Hellman et on revient tout de suite après. Déchiré de cris, plus tard les enfants nus, plus tard les bruits légers des belles rencontres, plus tard les poignets cernés par l'amour, plus tard la pitié des affamés, plus tard le livre comme un oiseau blanc, plus tard le culte des innocents, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Au moment de la grande clarté, au moment de la grande éclipse, les éclats de lune répandus sur le soleil et les traits de plume sur les murs froissés, beaucoup plus tard. Très rouge, rapide, cruel, et plume d'hirondelle, immobile au sommet des taudis pour entretenir le bleu d'étoile, pour supporter le toit absent, longues absences d'autrefois, d'aujourd'hui et de toujours, beaucoup plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, le ciel déchiré de cris, déchiré comme une aile, beaucoup plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Au moment de la grande clarté, au moment de la grande éclipse, des éclats de lune répandus sur le soleil, et les traits de plume sur les murs froissés, beaucoup plus tard. Des belles rencontres, plus tard les poignets cernés par l'amour, plus tard la pitié des affamés, plus tard le livre comme un oiseau blanc, plus tard le culte des innocents, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Au moment de la grande clarté, au moment de la grande éclipse, les éclats de lune répandus sur le soleil et les traits de plume sur les murs froissés, beaucoup plus tard. Et voilà, on vient d'entendre Thomas Hellman, Le Grand Jour, tiré de son dernier album, toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. La vie en BD qui se poursuit, et évidemment, quand on parle BD, note tout particulièrement, si on lorgne du côté américain, il y a un phénomène. Je pense que ça dépasse largement les notions d'opinion et le reste. C'est rentré dans l'imaginaire collectif. La série Walking Dead, en fait, qui vient aussi ajouter à l'imaginaire collectif, qui s'enrichit de jour en jour autour des zombies. Et notamment, Patrick Marleau, en fait, la série, de manière générale, et le phénomène figuraient parmi tes coups de cœur. Ouais, écoute, ben moi, c'est un tour de force que le tome 1 figure parmi les meilleures 10 ventes de l'année chez nous en librairie. Le tome 1? Le tome 1. Oh. Donc, c'est la série télé qui a relancé la série BD. On le voit cette année que ça a décollé. Oui. Beaucoup de gens en parlent. Ils voient la bande dessinée pour la première fois. Ah, c'est ça, Walking Dead. On a vu la série télé, mais là, on va se lancer dans la bande dessinée. Ah, ouais. Et anecdote, la troisième saison de Walking Dead sauve la série en entier présentement. Parce la deuxième, ça coulait. Là, c'était pénible. Moi, c'était pénible. Mais la troisième, vous êtes dur, vous êtes dur. Non, mais la troisième, on se rapproche, là, on se recolle à la BD. Mais c'est ça, l'erreur, et je l'ai faite la première saison, je me rappelle, quand je l'ai vu la première fois, tout ce que je faisais, c'est me raccrocher à la BD, puis ça marche pas. Peut pas marcher. C'est une réinterprétation. Il faut que tu t'assoies là, le Walking Dead, la série télé, c'est autonome. C'est vrai. Sauf que c'est drôle, ce qui fait la force de la troisième saison, c'est qu'elle se rapproche de la bande dessinée. Il faut que tu décroches, comme le personnage de Rick, en une saison, la saison 2, j'ai vu la saison 2, et le personnage de Rick, c'est normal que ça aille aussi vite, ces changements de personnalité. Ça peut pas prendre comme dans les deuxième cinq saisons, ce n'était que du blabla, tandis que dans la troisième saison, mais je pense que il est nécessaire, le blabla. En fait, Walking Dead, vivement Michonne et la prison, vivement la saison 3. Mais là, je pense que c'est nécessaire parce que ce Walking Dead, la série télé et la série bande dessinée ne sont pas des séries d'action. Effectivement. Le truc, c'est que ça se veut le plus proche possible de la réalité, et c'est ce que feraient des survivants. Il y a quand même 10 fois plus d'action dans les BD que dans la série. Mais c'est ponctué de moments tranquilles aussi. Pierre. Voilà, et ça, c'est l'organisation doit se faire. Mais je dirais personnellement que ce que j'ai trouvé triste, c'est à la limite, en fait, qu'on étire des épisodes. Le problème, c'est que l'épisode de la ferme, c'est un tiers peut-être du premier livre, et ça dure pas 100 ans, en fait. En livre, éventuellement, on finit par faire le tour de « OK, on sort de la ferme, il y a des zombies, on revient à la ferme. » Ça sent tellement un budget, là. Mais d'un côté, c'est qu'on s'attache au personnage et c'est d'autant plus douloureux. J'avais tellement l'air. Quand il se passe des choses. Et ça, c'est le génie de Kirkman, autant dans la série, en livre, en bande dessinée, que dans la D'ailleurs, ceux qui lisent la BD et qui sont pas rendus à la fin, attachez-vous pas. Michonne. On voit donc Walking Dead, écoute, depuis le succès de la série télé, est un phénomène incroyable. Et tant mieux, parce que ça fait montrer que la bande dessinée pour adultes aussi, parce que c'est la bande dessinée d'horreur bien faite. Tout à fait. Déjà, c'est pas un créneau facile à et faire en bande dessinée. Et le tome 17 arrive fin février, début mars. Effectivement, oui. Et voilà. Une nouveauté qui s'en vient. Donc, il y a deux tomes par année, qu'on comprend, c'est équivalent d'une année de parution en anglais de mensuel. C'est une série de qualité. Fait que c'est plaisant de voir, à tout le moins, que le phénomène télé qui ramène les gens vers la BD amène les gens vers un produit qui est de qualité, qui est plaisant et qui peut devenir, à mon sens, un bel ambassadeur pour aller accrocher des gens vers ce médium-là. Et en plus, quand une station de télé va acheter les droits en français, ça va exploser. Je comprends pas. Je suis pas certain que ça arrive, moi. Mais je comprends pas. Mais moi non plus, je comprends pas. Parce que le truc, c'est aussitôt qu'ils vont faire les chaînes spécialisées. Vont acheter le truc en français, ça va exploser. Là, il y a juste une minorité Une minorité, il faut comprendre quelque chose. C'est que moi, dans mon entourage, les gens qui aiment les zombies se farcissent les épisodes de toute façon. Moi, je te parle, c'est vrai. Et c'est le succès. Mais il y a quand même une bonne partie des gens qui aimeraient ça, mais qui n'arrivent pas à lire en anglais ou écouter en anglais, là. Quand ça va arriver, il va y avoir une explosion. Sur les DVD, il y a la piste française. Mais ça touche vraiment un large public, parce que tu parles des gens qui aiment les zombies, mais moi, dans mon entourage, beaucoup de gens écoutent ça et qui n'aiment pas les films d'horreur. Mais Les Sopranos ou Six Feet Under, c'est arrivé en français à la télévision comme Radio-Canada tellement en retard que les gens ont loué les coffrets depuis longtemps. Ah, oui. Il y a plus d'intérêt. Mais je comprends pas en quelque part qu'il n'y ait pas quelqu'un qui allume. Ça bat des records d'audience aux États-Unis pour une petite chaîne indépendante. Parce que les autres séries américaines, les bonnes, là, comme les Son of Anarchy, les Broadwood Empire, c'est tout ça enfile assez rapidement. Et assez rapidement, puis ben quand même. Spartacus ou encore Kid the Killing, que j'adore, moi. Je pense même pas que ça. Ouais, on n'est pas ici pour parler de télé. Moi, je proposerais de fermer la parenthèse en disant lisez Walking Dead. Oui. Et j'aimerais ça qu'on fasse le pont, en fait, parce que j'avoue, Pierre Blais, j'avais pas réalisé que Stephen King faisait de la BD désormais. Ben, pas vraiment lui. On a acheté les droits. Oui, effectivement. Et c'est une lettre, tout simplement une lettre de l'alphabet N, la lettre N, donc N point. La bande dessinée de Marc Guggenheim et de Alex Maleev, c'est publié en collaboration avec Albin Michel, qui publie en français les romans de Stephen King et Glénat Comics. Et ce livre-là, cette bande dessinée-là, nous raconte une histoire d'un homme qui est un psychiatre qui va recevoir un homme qui est allé dans un champ et qui a vu la matérialisation dans un champ de la Nouvelle-Angleterre, comment on dit ça, sorte de dolmen, d'obélisque, finalement, des grandes pierres dans un champ, sauf qu'il va avoir des visions. Donc, il se confie au psychiatre qui lui-même va être tenté d'aller sur place pour vérifier les visions de l'homme en question et qui lui-même sera à son tour complètement troublé par ça. C'est extrêmement difficile pour moi d'en raconter plus parce que il y a des punchs ici et ça se passe beaucoup sur les impressions. On raconte, mais on ne voit pas grand-chose. Et en ce sens, ce qui m'a surpris ici, parce que je connais l'univers de Stephen King, ce qui m'a charmé là-dedans, c'est que c'est la première bande dessinée qui, à mon sens, se rapproche dans les émotions et dans la façon de raconter une histoire de l'univers de Lovecraft. C'est du Lovecraft, ce n'est pas du Stephen King, ou King qui rend hommage peut-être à du Lovecraft. Stephen King, c'est quoi son rôle là? C'est l'idéateur de la série, parce qu'il scénarise pas. Il y a qui s'est basé sur une de ses nouvelles. Ouais, effectivement. Okay, donc on a repris ici et pour moi ça ressemble pas réellement à du Stephen King, ça ressemble à du Lovecraft. Donc c'est quelque chose qui fait peur sans qu'on voit réellement ce que c'est. Donc on joue sur l'appréhension des personnages et on se dit est-ce que c'est dans leur tête, est-ce que c'est leur folie, tout comme on aurait pu prendre The Mountain of Madness, c'était la même chose dans le cas de Lovecraft. Mm-hmm. On joue dans cette telle-là et pour moi c'est une surprise, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu fast-food et c'est un format dans le cas de Glénat ici, qui nous rappelle ce que Delcourt a fait avec 30 jours de nuit. Merci. Et toutes ces séries-là, c'est-à-dire un format un petit peu vertical de bande dessinée avec couverture cartonnée. C'est le format comic book américain, donc recueil. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Et avant d'aller en pause, Marco Duchesne, une minute pour nous parler d'Orbital, tome 5. Juste une minute? Juste une minute. Ah, c'est pas... T'en as déjà parlé dans tes critiques. C'est vrai. En fait, cette année, Orbital, à mon avis, ça vient confirmer la grande qualité de cette série-là de science-fiction qui est Orbital, que Dargo produit depuis 2 ans et demi quasiment. Les quatre premiers mettaient en scène des personnages avec des missions spécifiques étalées sur 2 albums. Et avec ce 5e-là, ça vient confirmer, ça vient unifier les 5 tomes, ça vient les unifier dans une espèce d'histoire et qui prend l'ampleur d'un space opéra. Le dessin qui rappelle les textures de Bilal, mais surtout les univers de Mézières. Ça fait longtemps, très longtemps, qu'il n'y avait pas eu une excellente série de science-fiction, mais une excellente série tout court en BD, dans le commercial, dans populaire. Là, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que nous a donné 2013 pour la bande dessinée. 2012. Je dirais que c'est un... Une chose que tu suis, Pierre, je suis content que tu sois là. T'es toujours à nous ramener dans cette réalité-là. C'est un siège pas raté. Il y avait une excellente série de sièges qui avait débuté, qui présageait de bonnes choses et finalement, ça a piqué du nez. Mais Orbital, plus ça va, mieux c'est. Parce que dans le 5e, il se passe presque rien. C'est une course effrénée. Mais il y a 2-3 pages qui viennent toutes chercher les histoires des 4 premiers tomes. Vraiment, série à lire, absolument. Patrick Marleau, Marco Duchesne, Pierre Blais, vous restez avec nous ici à La Vie en BD. On se retrouve dans 2 minutes. Et même... maintenant l'heure de pointe avec Marc-André. Marc? Merci, José. Alors, beaucoup d'activités sur le réseau aujourd'hui. Hein. On dirait que tout le monde s'est donné le mot pour démarrer sa laveuse en même temps. On remarque aussi des lave-vaisselle en marche un peu partout et beaucoup de lumière allumée inutilement. De retour à vous en studio. L'heure de pointe, c'est pas seulement sur la route. En période de grand froid, réduisez votre consommation d'électricité, particulièrement entre 7h et 9h et entre 16h et 20h. Vous contribuerez ainsi à diminuer la demande d'électricité lorsque le réseau d'Hydro-Québec est fortement sollicité. Un message d'Hydro-Québec. Tout juste avant 100% dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89. Des rêves extraordinaires à réaliser ce vendredi. Le gros lot du Lotomax est évalué à 30 millions de dollars. Lotomax. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvignon et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion 190 Saint-Joseph-Est. Dès 17h, une soirée retrouvaille unique où rencontres et bons souvenirs seront au rendez-vous. Service de traiteur sur place, prestations d'Antoine Graton et DJ set dédié. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Le 40e anniversaire de CKRL, un événement à ne pas manquer. La radio. Ici le cavalier. Et elle est membre du groupe Rock et Belles Oreilles. M'ont fait dire de vous dire qu'ils écoutent CKRL. Belles Oreilles. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver notamment les podcasts des émissions précédentes sur notre blog lavieenbd.wordpress.com. Et on parlait avant la pause en fait de traduction, peut-être à venir dans certains cas, peut-être déjà faite également et bien réussie. Et notamment en fait, il y a le travail et on en a parlé sporadiquement à l'émission. Et Patrick Marleau, toi tu m'avais dit, mais ça serait peut-être le fun de faire une petite mention globale parce que c'est un beau travail qu'ils font. C'est Urban Comics avec les traductions de DC qui nous offrent. Effectivement, donc c'est Dargo qui ont parti cette bannière-là. Urban Comics sont allés acheter les droits de DC Comics parce qu'auparavant c'était Panini qui gérait ça, mais Panini avait Marvel avait aussi, déjà Marvel avec conflit d'intérêts. Je pense que DC Comics l'ont senti. Alors ils sont allés avec Dargo, mais qui font de l'excellent travail. J'ai rarement vu ça. C'est juste la beauté, la mise en page, le look des livres et la qualité de la traduction. Ouais, la qualité éditoriale de partir Urban Comics au moment où DC remet les pendules à zéro avec les New 52. Un événement s'est passé il y a un an et quelques. DC remettait à zéro, confiait toutes ses séries à des équipes de dessinateurs scénaristes hors pair pour repartir le truc, et Urban Comics repart là. C'est-à-dire, quand il nous fournit du Batman, c'est la bonne série qui décolle, qui est décollée il y a un an. Ils vont pas piger n'importe où dans les trucs. Non, et quand ils vont chercher les classiques, ils vont chercher vraiment les graphic novels qui ont marqué. Ben, on peut penser à Batman Year One, notamment, qui est le classique ultime. Long Halloween, Cette Dark année, Victory. Ils ont publié évidemment beaucoup de Batman parce qu'il y a eu le troisième film de Christopher Nolan. Et à l'inverse, 2013, on va avoir beaucoup de Superman. Donc, on réédite des grands classiques. Mais en même temps, on sort beaucoup de nouveautés, ce qui était toujours manquant un peu pour les amateurs de bande dessinée américaine traduite en français. C'était dur d'avoir des trucs qui étaient à jour, alors que là, on a la continuité. Vraiment, on est très près des sorties américaines en anglais, donc c'est pour les amateurs du genre, c'est très bien. Et aussi, ils nous sortent les bannières un peu plus spécialisées, un peu plus adultes, qui est Vertigo, mm-hmm, entre autres. Mm-hmm. Et ça, ça, on a eu la traduction de Daytripper, des jumeaux argentins ou brésiliens, je me rappelle plus de quelle nationalité, sont sud-américains. Gabriel Ba, Fabrio Moura. Ouais, voilà. Ils nous avaient sorti ce magnifique album qui s'appelle Daytripper. Et grâce à Urban Comics, on a accès à ces traductions-là. Et Daytripper qui est dans tes coups de cœur d'ailleurs. Ouais, moi c'est venu aussi me chercher cette histoire un peu d'un écrivain, d'un jeune homme qui veut écrire de la fiction, mais il n'y arrive pas. Tout ce qu'il a réussi à trouver comme travail, c'est d'écrire des biographies de moyen des nécrologies. Des biographies de gens morts. Et cette fonction-là va agir dans sa vie, c'est-à-dire que l'histoire va nous être racontée que de la façon suivante, c'est que chaque fois que cet homme-là, va rencontrer une étape importante dans sa vie, il va mourir. C'est-à-dire, il meurt pour vrai. Mm-hmm. Mais, évidemment, une autre étape, on va le revoir et là, tout y passe, la relation père, la relation avec la mère, la relation amoureuse, la relation d'amitié, et chaque étape finit par une mort. C'est un magnifique récit que les Ba et Moon nous ont proposé. Et grâce à Urban Comics, on a accès aussi. Je pense à ce que je vous ai, ce que je t'ai dit il y a quelques semaines. Urban Comics sont en train de rééditer l'intégrale de Sandman, la méga saga de Neil Gaiman avait fait dans les années 90. Ils sont en train de la rééditer. Ils font un travail extraordinaire. En fait, c'est une belle opportunité peut-être, et pour conclure un peu comme ça, autour d'Urban Comics, à mon sens, pour les gens qui ont raté peut-être un peu les beaux moments, des belles périodes côté comics américains, ben de plonger dans cet univers-là. C'est ça. Et pas juste super-héros. Oui. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. 100 Bullets, c'est là-dedans. Fable, DMZ... Et j'ai envie qu'on reste, Pierre Blais, Patrick Marleau, Marco Duchesne, peut-être sur des titres aussi qui font presque une quasi-unanimité. On s'en sera pas dans les grands débats pour les prochaines minutes, mais notamment, Pierre, la grande odalisque de Bastien Vivès, de Rupert et Murdoch, qui figure dans certains palmarès. En trio, la grande odalisque. Bastien Vivès, toi, t'avais eu un coup de cœur pour Paulina l'année dernière. Du même Vivès, toi aussi, Patrick. C'était un livre qui portait sur l'univers de la danse. Là, on change complètement de registre. C'est pas du tout la même atmosphère. Au contraire, dans le cas de Vivès, avec la grande odalisque, il s'attaque à quoi? Une sorte de polar humoristique, pourrions-nous dire, assez déjanté. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est publié en passant chez Air Libre, depuis Air Libre, c'est que les personnages principaux, c'est trois femmes et qui font des vols et qui sont des guerrières et qui s'amusent à voler des œuvres d'art, qui font des vols pas possibles, mais qui ont peur de rien et qui sont des Jean-Paul Belmondo au féminin, pourrions-nous dire, parce qu'on retrouve des cascades, on retrouve de l'humour, on s'en va dans divers pays. Bref, au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, quelle sorte d'univers? Et finalement, j'ai rigolé. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé les personnages bien campés et j'aurais aimé qu'il y ait une suite. Je ne sais pas si ce sera le cas éventuellement. Mais la grande odalisque, j'ai réellement beaucoup, beaucoup aimé ça de Bastien Vivès. Et avec le dessin et l'ambiance, le choix de couleurs qui nous aide justement à nous reporter un peu dans quelque chose d'un peu vintage. 70, ah, oui, vintage des années 60, qui rappelle aussi les univers des agents secrets de ces années-là. Non pas simplement James Bond, mais souvenez des films de Flint, qui mettait en vedette James Coburn, qui était des sortes de parodies un peu de James Bond à l'époque. On nage un peu dans ces eaux-là. Ou Charlie et ses anges, les vieilles séries télé, peu d'action. C'est une œuvre surprenante aussi, parce que t'as Rupert et Mulot aussi, qui font de la BD quand même d'auteurs assez pointus. Fait qu'un mariage, déjà deux noms improbables, de travailler ensemble, d'offrir une œuvre comme ça, c'est... Ils se payent la traite. Ah, et c'est le genre d'ouvrage qu'aimerait Quentin Tarantino. On fait référence à Kill Bill. On s'amuse, ça verge partout. Puis c'est des personnages féminins qui sont à la Steven tête de Soderbergh tout ça. Aussi, je trouve Out of Sight, toutes ces textures-là, là, c'est très... Il y a un petit côté thriller, justement, qu'on retrouve aussi dans un autre titre qui fait pas l'unanimité autour de la table, par exemple, La Page Blanche de Boulet et Pénélope Bayeux. Un univers, enfin, une série, une fille essentiellement qui perd la mémoire, et la BD, ben, c'est elle qui essaie de trouver qui elle est, qu'est-ce qui a fait qu'elle a perdu la mémoire, de recomposer un peu les éléments autour de ça et de reconstruire sa vie. Et c'est absolument attachant comme petite bande dessinée, comme personnage. Mais c'est pas le rêve ultime, là, je veux dire, de pouvoir recommencer à zéro, et d'oublier notre passé, nos erreurs, notre façon de vivre, de tout ce qu'on n'était pas, content, heureux. C'est un peu ça, non? L'espèce de fantasme ultime du... Tu sais, elle se réveille sur un banc, puis elle sait pas qui elle est. Et elle va apprendre, puis elle voit des choses qu'elle était, puis qu'elle aime pas, mais... Et à la toute fin, elle se rappelle toujours pas de qui elle était, mais elle repart à zéro. C'est un peu le truc. Mais en fait, la force... Il y a l'histoire, mais la force, c'est attachant parce que c'est aussi une libraire. Moi, je me suis beaucoup reconnu, surtout quand elle vend du Marc Lévy, de toutes les façons. Et en fait, bref, ce qui est plaisant avec cet album-là, c'est la façon de raconter qu'elle a. En fait, c'est Pénélope Bagieu a une espèce de légèreté, ouais. Quand elle dessine ces expressions-là, j'aimais beaucoup son sens de l'humour dans ses petits albums de réflexion féminine et d'humour. Oui, puis le métissage entre le dessin et le rythme qu'elle propose au dessin s'accroche bien au scénario de Boulet aussi. On sent qu'il y a une bonne synergie, je pense, entre le mot écrit et le mot dessiné. Puis elle connaît ses codes. Les premières pages là où elle est sur le banc de parc, elle regarde un peu partout, on s'interroge aussi. Ouais. On comprend. Elle est d'une clarté. D'ailleurs, moi qui est un grand fan de la ligne claire, j'y vois une des descendantes d'Hergé, de tout ce courant-là de la ligne claire, même de Jean-Philippe Perrault. On connaît un peu cette façon qu'il a c'est un peu une descendante et elle réussit très bien. Et ça, c'est le genre de lecture qui va pouvoir intéresser les filles aussi, parce que la bande dessinée, c'est pas juste à la librairie, les collègues féminines ont toutes adoré ça. Mais vraiment, c'était vraiment une belle surprise quand ça c'est paru. Et peut-être en terminant, avant d'aller en musique, Patrick Marleau, j'ai envie qu'on reste un peu dans les séries, j'ai envie de presque dire d'action, peut-être quelques mots sur De Cap et de Croc, tome 10, De la Lune à la Terre. Écoute, c'est une de mes séries coup de cœur. C'est peut-être pas le meilleur album, mais je voulais faire une mention parce que c'est le dernier tome qui clôt le grand cycle de cette aventure-là. Après ça, on va assister plus à des albums qui vont se tenir seuls, donc un one-shot ou des fois un petit diptyque. Mais quelle grande série inventive de Cap et de Croc, édition Delcourt. Faut lire ça pour l'amour du dessin, mais aussi de la langue, car les répliques, le dialogue, c'est savoureux. Une recherche incroyable. C'est vraiment fantastique. Donc, hommage à Jules Verne, tous ces univers de science-fiction, mais avec une poésie dans le langage, donc De Cap et de Croc. J'appuie. Incroyable. Alors, on s'en va en musique avec Alexandre Béliard, et au retour, on parle Québec et on fait notre sprint final. Alors, toujours ici à CKRL. J'ai demandé à Champlain autour de 1610 d'aller passer l'hiver parmi les Iroquois, apprendre leur langue, apprendre à devenir le premier Indien blanc du Ronnie. Tant de territoires à découvrir, des rapides de la Chine jusqu'au lac Nipissing, faire la traite des fourrures pour survivre, des grands lacs jusqu'en Pennsylvanie. Un seul maître, l'aventure, les rêves plus grands que nature, du premier Indien blanc du Ronnie. Brébeuf et ses jésuites pour maudire, que je sois du clan de l'ours plus que de mon sang français. Passer 20 ans à courir les bois, j'ai fini par m'y sentir chez moi. Un seul maître, l'aventure, les rêves plus grands que nature, du premier Indien blanc du Ronnie. J'aurais trahi la France, semble-t-il, traitant avec les Kirk qui marchèrent sur Québec. Un seul maître, l'aventure, les rêves plus grands que nature, du premier Indien blanc, du René. J'ai vécu libre, par eux j'ai dû mourir, en premier Indien blanc du Rhône. Alexandre Béliard avec la pièce Étienne Brûlé, l'Indien blanc. Toujours ici sur CKRL 89.1, Raymond Poirier toujours au micro en compagnie de Patrick Marlot, de Marco Duchesne et de Pierre Blais. Et on poursuit ses regards sur les coups de cœur 2012. Et clin d'œil obligatoire, en fait, c'est chez nous, c'est le Québec. L'année québécoise, qu'est-ce que vous en retenez? Quel regard vous portez un peu là-dessus? Et peut-être des titres aussi qui sont ressortis du lot peut-être pour 2012? C'était stable. Ouais, façon polie de le dire. Non, mais il y a eu des productions, de bonnes productions, il y a eu de bons albums, mais rien de marquant. Ouais, il y avait rien qui faisait en sorte que on en parle comme on en avait parlé l'année d'avant à cause des sorties évidemment de Lille, Rabliati, puis il y a eu quelques bons albums sympathiques, mais je pense que là c'était de l'ordre du personnel, parce que bon, French Kiss 1986 de Pierre Falardeau, de Michel Falardeau, je vais toutes les appuyer Pierre comme ça, de Michel Falardeau. Je sais pas, c'est personnel. Moi, ça m'a touché parce que j'ai vécu cette époque-là. De ce dont il parle, c'est une guerre des Tucs, mais comme j'étais trop vieux pour la guerre des Tucs, là, il est venu me chercher, mais sans plus. J'avais préféré d'autres choses de Falardeau, mais Locke. Ça... Oui, entre autres, je trouvais... Montanville. Mais Locke, j'avais aimé cette espèce d'histoire d'amour qui virait sur... pas grand-chose, sur un 10 cents, même, à un moment donné. Mais ça... J'attendais ça et ça a pas viré là, sauf que bon, le punch on le trouve tout de suite. Pas, oui. Ouais, mais ça, et les autres, il y a peut-être chez Pow Pow, il y avait comment ça s'appelle? Sophie. Avec Printemps, Glorieux Printemps. Ça encore là, c'est personnel. Moi, c'est quelque chose que j'aimais, ces petites chroniques adolescentes un peu de cette vie-là, de cette époque-là. Et moi, j'aurais envie de faire du pouce sur, ben, en fait, sur French Kiss 86. Comme tu dis, c'est personnel, mais de mon côté, en fait, c'est vraiment la film nostalgique, en fait, que Michel Falardeau a été travaillé là-dedans, que ce soit pour la vie avec les références, bon, Guerre des boutons, Guerre des trucs, tout dépendant. Les Goonies aussi. Les Goonies. mais vraiment, jouer avec les années 80, mais jouer sur la mince ligne où l'album ne vit pas que pour la nostalgie, mais réussit à dépasser ça avec quand même un récit qui est intéressant, qui est empreint de naïveté, qui est rythmé. Ouais, la question que je me posais à la fin, c'est l'impact aurait-il été le même s'il avait été en couleur, cet album-là? Je veux dire, son noir et blanc, parce que Locke et ses autres albums, la couleur, tout, et c'était un de ses premiers en noir et blanc, si je me trompe pas. Tout à fait. Et je me demande si c'est pas le... On reste pas un peu... c'est comme un peu vaporeux, le truc. Il y a rien qui marque, en tout cas à la fin, là. Et autre titre, peut-être, et où je m'avais fait un commentaire de Pierre Blais, oui? Ben, moi, j'irais du côté de l'étranger, tout en restant au Québec, c'est-à-dire les auteurs et dessinateurs québécois qui ont été publiés à l'étranger. Il y a quand même quelques séries, moi, que j'aime bien, que j'ai trouvé intéressant. Le tome 2 de Abirato. Moi, j'aime bien ce que Labrosse fait. Il fait une belle job. Il continue de me séduire avec le deuxième tome. Je vais continuer de suivre cette série-là, qui est pas extraordinaire, mais qui est bien faite. Je pense au premier tome de Van Helsing contre Jack l'Éventreur de Jacques Lamontagne, qui lui ici, on connaît ses talents en dessin, mais là, il est scénariste uniquement, puis Jacques est en train de se faire un nom comme scénariste. Chapeau là-dessus, le premier tome est intéressant, j'ai hâte de lire le deuxième. Je pense à Noé également, j'avais beaucoup aimé le premier tome de Nico Henrichon, on sait que le film se tourne par Darren Aronofsky avec Russell Crowe, ça revisite le mythe de Noé de la Genèse. Le deuxième tome est sorti, je suis toujours intéressé par cette aventure, puis il faut souligner, dans la même année, l'apparition de Lost Chat, tome 2 et 3, moi je rigole, moi ça me fait rigoler, c'est de la lecture de Trône, très agréable, d'Iris et Ziviane, qui sont sortis cette année, moi, chapeau. Et j'ai comme l'impression qu'on oublie aussi un titre, et je vais lancer la balle aussi vers Patrick, qui figure dans je pense, nos coups de cœur québécois mutuellement, c'est Jane, le renard et moi, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault. Moi, je dirais c'est peut-être l'album la plus belle surprise, parce que c'est des nouveaux auteurs en bande dessinée, évidemment, ils ont un grand parcours en illustration, en théâtre, et bien que peut-être la fin m'a laissé... j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus, mais on sent vraiment... Ben, évidemment, l'intimidation est toujours d'actualité dans ces dernières journées. Donc, on ressent bien cette émotion-là, qu'un jeune enfant peut ressentir d'être victime d'intimidation. Et ça, en dessin, elle rend très bien, rend justice. Donc, un très, très bel album à la pastèque. Puis un beau dessin, justement, d'Isabelle Arsenault, qui vient vraiment complémenter, mettre en scène ce que Fanny Britt lui a offert avec des choix, justement, de dessin au crayon, des cases plus sombres, de jouer un peu avec les couleurs, donc pour nous amener dans des ambiances plus difficiles, plus faciles. Oui, tout à fait. Il y a le côté journal intime, donc ça fait, à mon sens, en fait, au vu de la production cette année, c'est probablement mon meilleur album québécois. Prof au secondaire, je le ferai lire à mes étudiants, là, c'est certain. C'est touchant. Et si on parle d'auteurs québécois, ben moi, j'aurais une petite mention pour India Desjardins, quand même, qui a... Quand elle m'a fait une belle petite BD, très cute, là, on parle de chick-lit en bande dessinée, mais... écoute, elle a eu tellement un grand succès, c'était facile, je pense que les critiques auraient pu l'attendre avec un brick et un fanal, parce qu'on aime toujours ça de voir quelqu'un qui se casse la gueule après un grand succès au Québec, on est comme ça, d'autant plus qu'elle touchait un autre genre, la bande dessinée, mais elle réussit bien... avec La Célibataire, c'est avec le La titre. Célibataire, aux éditions Michel Lafond, donc vraiment une belle petite BD humoristique pour dames, puis même garçons, regarde, moi j'ai embarqué, on lit ça, c'est cute. Et chers collaborateurs, il nous reste 5 minutes, à peu près 6 titres, donc peut-être en faire un petit marathon pour terminer. Ben peut-être en une minute, moi très rapidement, Raymond. Mais l'année BD, on parlait des BD québécoises et ça a vu l'éclosion de différentes maisons d'édition qui sont toutes récentes. Je pense à La Mauvaise Tête, je pense à Part, mais ce sont des maisons d'édition qui ont de la difficulté quand même à nous fournir des. C'est difficile financièrement de vivre de faire de la BD au Québec lorsqu'on est une maison d'édition. Moi, je salue ces gens-là qui font de la BD, mais en même temps, je sais que leur avenir est précaire. Et d'un autre côté, c'est de voir que les 400 coups, il y a presque un abandon du côté de la BD. Parce que si on regarde la production cette année en BD québécoise, ici au Québec, à part La Pastèque, là, qui roule sur le succès de Rabigliati, puis qui réussit à sortir, justement, l'œuvre de Fanny Britt, c'est précaire en ce moment. C'est précaire. Oui. Donc, ça, saluons les éditeurs et ceux qui continuent, justement, de nous offrir, donc, du contenu québécois fait au Québec et vendu au-delà du Québec, évidemment. Et peut-être en terminant, donc, des clins d'œil, 30 secondes, Marco Duchesne, pour D'autres larmes de Jean-Philippe Perrault. D'autres larmes, Jean-Philippe Perrault, qui, comme je l'expliquais, issu de la ligne claire, a toujours fait des portraits de jeunes dans la vingtaine, trentaine avec cette série Première Chaleur et tout. Ici, c'est un recueil de nouvelles et pour moi, dans tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je vois des histoires finir sur de la tristesse pure. C'est-à-dire, habituellement, quand un film, une histoire, une BD finit avec triste, on a toujours quelques images pour récupérer, quelques phrases pour récupérer un peu, pour... Mais là, chacune de ces histoires finit, ça frappe, c'est triste. Et c'est à lire, si on est dans le mood, évidemment. Pas pour la Saint-Valentin, donc. À ne pas offrir à la Saint-Valentin. Et côté BD triste, d'ailleurs, je mentionne aussi David, Les femmes et la mort de Judith Van Nistendael, ça c'est au Lombard. Un récit d'un homme qui est cancéreux, phase terminale. On voit, oui, le récit de son point de vue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit d'abord et surtout autour de la vie des femmes qui l'entourent, donc sa fille, son épouse et sa deuxième épouse. Et donc, en fait, de voir un peu comment le deuil se fait avant même que la personne soit morte, de voir les réactions aussi autour de ça. Donc, un très, très beau livre sur le deuil qui réussit à mettre le doigt sur les sentiments liés à ça, mais de manière saine. Globalement, on fait pas des pleurs pour des pleurs, et il y a une belle série de réactions, donc c'est vraiment réussi. David, les femmes et la mort, et puisqu'on parle de mort, en fait, Patrick Marleau, la mort de Staline, tome 2, funérailles. Effectivement, donc deuxième volet d'un diptyque qui clôt cette histoire-là. Il n'y en aura plus, hein? Non, non. Ben, je pense que c'est vraiment deux tomes. Les deux sont très bons. Oui, vraiment. Donc, aux éditions d'Argo, pour ceux qui s'intéressent à la deuxième, politique. Il était déjà mort, puis c'était bon pareil. Donc, on s'intéresse beaucoup à la là-dessus. Paranoïa du régime communisme, donc tous les magouilles, les arrière-scènes d'amener quelqu'un au pouvoir, puis donc c'est très fascinant pour... évidemment, c'est sur un ton un peu caricatural, mais je pense très bien appuyé de... Ben, tu sais, Le trait est quand même pas réaliste, donc on est dans un trait un peu humoristique, mais qui traite d'un sujet là, très bien documenté. Et Pierre Blais, de ton côté, Zone Blanche, oui, de Jean-Claude Denis. Justement, j'en parlais hier dans ma chronique à l'émission du matin. On prend le principe de l'inconnu du Horror Express, hein, Patricia Highsmith, Hitchcock, c'est-à-dire deux personnes qui vont s'échanger des victimes potentielles pour avoir l'alibi de ne pas tuer son ennemi principal. Et l'un des deux personnages, parce que c'est un homme et une femme qui vont s'échanger des meurtres, si on veut, le personnage principal, c'est un homme qui est allergique au champ, je dis allergique, la façon de parler, mais au champ électromagnétique, il est sensible. Donc, extrêmement intéressant, c'est Jean-Claude Denis qui est derrière ça. J'avais beaucoup aimé un peu avant La Fortune, si je me souviens bien, le titre, publié voilà quelques années. Zone Blanche, c'est publié chez Futuropolis. Et je mentionne aussi, on l'a pas fait encore, je sais pas si on allait l'aborder, mais Blast Tome 3, là, oui. Il faut pas l'oublier, oui, de Manu Larsenet. Oui, c'est un incontournable avance, en 2012. Il avance. Il y aura 4 tomes, donc il en reste un à paraître. C'était pas 5? Je pense que c'est 5. C'est 5, parce que dans cinq. Sa tête... Mais j'ai cru lire qu'il finissait ça en 4. Ah ben, vous me l'apprenez. À moins que ça a changé, mais à un moment parce que son cinquième, dans sa tête, quand il a commencé le truc, le premier était écrit, le 2 aussi, puis le 4, le 5. Bon. Il restait rien qu'à écrire les autres. On surveille ça. Le troisième est disponible depuis l'automne en librairie. Efficace, oui, ah oui, très bon. Oui, en fait, il figurait d'ailleurs dans les coups de cœur, je pense, de Patrick. Ouais. Et je pense que ça en a un autre titre qui aurait pu faire l'unanimité de manière assez agréable. Mention de mon côté aussi d'un peu de Fer et d'Acier qui, certes, est pas nécessairement le meilleur chabouté, mais simplement pour le mérite de nous avoir fait traverser un an dans l'histoire d'un banc de parc comme personnage principal. Je trouve que l'a priori est très intéressant et il est très, très bien mené par Chabouté. Et Marco, en terminant en 15 secondes pour Chronique Outre-mer, tome 3, Métis du regretté Bruno Lefloc. Oui, cette mini-série de 3 albums pour ceux qui aiment l'aventure, l'exotisme, vraiment bien fait. Ça m'a beaucoup rappelé mes premières lectures avec Corto Maltese quand il nous amenait en aventure sur dans d'autres pays. Tu les achetais à leur sortie, toi, à l'époque? À l'époque, oui. Alors ben voilà, en fait, ça fait beaucoup d'albums en peu de temps, somme toute. Merci beaucoup à vous trois de vous être prêtés à l'exercice. Donc, merci à Pierre Blais, qui est journaliste, chroniqueur culturel, qui fait des critiques BD ici à l'émission du matin. Merci. Et merci, Raymond. Merci à Marco Duchesne, donc collaborateur régulier à La Vie en BD et également libraire chez Pantoute. Merci. Et merci beaucoup à Patrick Marleau, qui est libraire du côté de l'imaginaire. Merci. Alors, merci à vous trois. Merci aussi, évidemment, aux auditeurs, auditrices. Nous, on vous souhaite une très bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL. La semaine prochaine, on parlera de la BD Le Manteau de Bologna, entre autres choses. Alors, soyez là. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette édition de La Vie en BD.